Bon après-midi avec Studek Web, il est 16h. Et c'est parti jusqu'à 17h, l'heure média sur Studek Web. Studek Web, les infos. Deux minutes d'information avec Constance Vercamer. Bonjour Constance. Bonjour à tous. Trois morts, c'est le bilan provisoire actuel de victimes retrouvées sous les décombres à Marseille. Le chiffre grimpe et la découverte de cette personne vient s'ajouter à celle d'un homme et d'une femme retrouvées respectivement ce matin et ce midi. D'après le procureur, il pourrait y avoir potentiellement encore 5 à 8 personnes encore bloquées sous les gravats de ces immeubles effondrés dans le centre-ville de la cité phocéenne. Les 120 policiers et les 80 marins-pompiers continuent activement leurs recherches. 6 personnes liées à la mouvance de l'ultra-droite ont été arrêtées aujourd'hui pour un projet d'action violente à l'encontre d'Emmanuel Macron. Ces interpellations ont été conduites dans les départements de l'Isère, de la Moselle et de l'Ille-et-Vilaine. Elles interviennent au même moment que le déplacement du président français pour la commémoration du 11 novembre. Pour l'instant, la réalité et la nature exacte de cette menace n'a pas été précisée par les proches de l'enquête. Emmanuel Macron va aider tous les travailleurs qui doivent se déplacer à plus de 30 km de leur domicile. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État ce matin au micro d'Europe 1. Il compte notamment baser son soutien financier sous forme d'indemnisation kilométrique, une initiative déjà exploitée par la région Hauts-de-France. En effet, celle-ci a mis en disposition des chèques carburant pour les personnes travaillant à plus de 30 km de leur domicile. Il souhaite également améliorer les chèques énergie pour aider les gens modestes qui ne peuvent pas changer de chaudière. À noter que l'enseigne Auchan vendra le carburant à prix coûtant du 7 au 17 novembre. À l'international, la côte est des États-Unis a été la première à ouvrir les bureaux de vote pour les élections demi-mandat appelées les midterms. La participation à ces élections sont habituellement faibles, mais cette année, elle pourrait être historique. 35 millions d'électeurs ont déjà participé grâce à la possibilité des votes anticipés. Cela représente 20% de plus qu'en 2014. Si les républicains venaient à perdre le contrôle du Congrès, les démocrates pourraient lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. On prend la route du Rhum. Le bateau du français Armel Lecléache chavire au large des Açores. Le skipper est sain et sauf, précisent les membres de son équipage. Cet incident serait dû à la rupture de son flotteur de bâbord, déclenchant ainsi la balise de détresse. Pour rappel, il était sorti vainqueur du Vendée des Globes de 2016-2017 et il était l'un des favoris de cette édition 2018. On referme ce flash avec un point météo. La grisaille s'installe sur l'ensemble de la France cet après-midi. Seules les régions de l'Alsace-Lorraine échappent à cette couverture nuageuse. De la pluie est attendue sur l'ensemble de la côte ouest. La France profite d'un épisode climatique méditerranéen avec des températures assez douces. 15 à Nancy, 17 à Paris, 18 à Lille et Perpignan. Les maximales sont attendues en Corse avec 21 degrés. Tout de suite, on retrouve Romain Frappereau dans l'heure média. Merci Constance, retour des informations à 16h20 sur Studek Web. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir. 16h-17h. Radio Ghana Swinda, bonjour. Robin. Et en plus, c'est un massagiste en or. Adrien. Brigitte, en plus, a résisté à la canicule. Romain. Le seul moment où il y a des gens élégants à télévision, c'est quand on refait le match. L'heure média, c'est de 16h à 17h sur Studek Web. Bonjour et bienvenue, ravi de vous accueillir dans l'émission L'heure média. C'est une toute nouvelle émission qui est consacrée à vos médias. Avec moi, une équipe, ils seront là pour vous décrypter l'actualité média, mais également à répondre à vos questions. Pour cela, il y a Robin. Bonjour Robin. Bonjour Romain. On reviendra avec vous sur une émission culte de TF1 qui fête ses 18 ans. Oui, c'est 7 à 8, je parle dans une année à médias. Également le journal des médias. Oui, le journal des médias. On reviendra sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Céline Géraud qui présente une nouvelle matinale sur RMC Sport et on parlera de Donald Trump. Bonjour Adrien. Bonjour. Dans quelques minutes avec vous, on va parler de la marque à la pomme. Effectivement, avec trois nouveaux produits qui sont sortis de chez Apple. Et vous allez aussi nous conseiller sur les programmes à regarder ce soir. Et notamment Independence Day. On accueille aussi notre collègue de la rédaction de Studek Web. Bonjour Antoine Ballet. Bonjour Romain, bonjour à tous. On abordera les audiences télé d'hier soir. Et puis on fera aussi un point circulation toutes les demi-heures. C'est promis. À tout moment, vous pouvez nous donner votre point de vue avec nos réseaux sociaux sur la page Facebook, Studek Web, également sur Twitter avec le hashtag Leur Média. Dans moins de deux minutes, le d'accord, pas d'accord, c'est notre débat média, le sujet du jour. Une émission américaine débarque sur TF1, alors restez bien avec vous. Et puis pour la musique, j'ai Amir pour vous, Thérapie Taxi et Jonas Blue sur Studek Web. Bon après-midi. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top. what they don't know, know, know is we don't care. We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna rise till we fall. Yeah. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top, and you know we could be the greatest ones who ever made it. Yeah, I could be talking to you. They try to hate, hate, hate, but we won't change anything. Merci d'être avec nous, c'est l'heure média jusqu'à 17h sur Studek Web. Les avis s'opposent dans le d'accord pas d'accord sur Studek Web. On l'a appris hier soir par l'AFP, TF1 va adapter Carpool Karaoke, le concept américain de James Corden. Le principe est simple de cette émission, des stars se promènent en voiture et poussent la chansonnette aux côtés de l'animateur James Corden. Un rôle qui sera assuré dans la version française par Camille Combal, qui, je vous rappelle, présente depuis la rentrée l'émission Danse avec les stars sur TF1, après avoir longtemps été chroniqueur sur C8, aux côtés de Cyril Hanouna. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Vous avez vu qu'on a fait un effort dans un van. Oui. Je vous le jure. Et c'est un format, voilà, qui existe dans notre société de production, qui s'appelle Banijé, qui s'appelle Singing in the Car. Ouais. Je vous le jure, on a su ce matin, voilà, depuis 15 jours, on savait qu'on allait faire ça, un truc dans un van avec la chanson. Et aujourd'hui, on lance le before, donc à 19h. Et à 18h30, il y a TF1 qui fait un communiqué de presse, comme quoi ils vont faire une émission qui s'appelle Carpool Karaoke, qui est le même bail, c'est-à-dire c'est dans un van, et ça chante. Et donc TF1 va le lancer. La guerre entre TF1 est repartie. Vous pensez que ça peut marcher en France? Au contraire. Ils prennent des gros risques à adapter une émission comme ceci sur une chaîne, la première chaîne de France. Bah déjà, faut savoir que toutes les émissions quasiment sont piquées de concepts déjà existants, notamment des concepts qui existent aux États-Unis. Après, cette émission-là en particulier, ce concept-là, c'est une bonne question. Moi personnellement, ça me rappelle. Alors c'était pas des trucs chantés, c'était des interviews, notamment une émission de Denora Malagré sur D17 qui n'avait pas fonctionné, mais. Pourquoi pas, à voir. Moi, je pense qu'avec le fait que Camille Combal soit à la présentation, ça pourrait très bien marcher, parce qu'il a un petit côté, il a son humour, il a sa propre animation qui est plutôt audible sur tout format d'émission. Je pense que ça marchera bien. En plus, Antoine, il est déjà sur la une, en plus. Donc, oui, ouais, Camille, ça marche très bien. Camille Combal, ça peut marcher. Après, je trouve que c'est dommage qu'on pique quand même tout le temps des concepts d'émissions aux États-Unis. Enfin, on a des bonnes équipes de création en France, et je trouve ça dommage en fait de se contenter de pomper sur les gens. Surtout qu'en plus, C8 avait déjà proposé le projet, comme on a entendu dans l'extrait. Ça va relancer encore la guerre entre C8 et TF1. Enfin, ça devient un peu lourd. Mais d'ailleurs, on s'y attendait, hein, que Camille Combal il allait créer une émission sur TF1 parce que c'est vrai qu'il voulait quitter au départ Virgin Radio. Il est finalement resté. Mais il devait quitter normalement Virgin Radio l'année dernière, donc on s'en doutait que quelque chose se préparait. Et après, bien souvent, les concepts américains, en France, c'est vraiment des flops, et souvent ça finit sur la TNT. C'est clair. C'est sûr. Après, à voir au niveau de l'audience des premières notamment. Ça va se jouer là, je pense. Hein. Ça va être sur les premières audiences et il va falloir que ça marche bien dès le début. Quoi. On a quelques réactions sur les réseaux sociaux qui apparaissent, avec Marine qui dit: avec Corden c'est de la balle, c'est énorme, James Corden est trop fort pour faire cette émission. Avec Camille Combal, c'est pas sûr qu'on ait le même résultat. C'est vrai. On commence à avoir le même avis que moi en fait. On n'a pas la même expérimentation quoi. C'est ça. Et puis on a aussi Cathy qui nous dit: James Corden sait chanter, Camille Combal, je suis pas sûr. Non, je pense que non. Je pense que... Allez, dans moins de 3 minutes, on va faire un point sur les audiences d'hier soir. Le téléfilm de TF1 a très bien marché.

C'est 4% de part d'audience pour le film sorti en 2012. Merci Antoine, on vous retrouve dans quelques minutes pour les conditions de circulation. Après les audiences télé, c'est maintenant le journal des médias. On commence avec le sommaire. Oui, alors à la une, les confessions de Stéphane Bern dans le divan de Marc-Olivier Fogiel. On reviendra aussi sur la toute nouvelle matinale de Céline Géraud sur RMC Sport. Et enfin, on partira aux États-Unis où la chaîne Fox News et d'autres chaînes d'infos US ont décidé de refuser une campagne de publicité de Donald Trump. Tout d'abord, on commence avec Monsieur Histoire de France 2, Stéphane Bern, qui s'est exprimé longuement dans le divan de Marc-Olivier Fogiel ce vendredi sur France 3. Allez le voir, cher auditeur. Une phrase assez choquante en rapport avec un membre de sa famille, sa mère. Il l'a décrit comme étant castratrice. Il poursuit en disant « Il était dur avec elle, elle-même. Il a été moins dur avec mon frère et moi. Mon frère était un génie, alors moi, je passais un peu à côté. Ma mère a parlé avec son fils aîné comme un adulte et moi, elle me parlait comme si j'étais le pauvre débile à qui il fallait tout expliquer. » Il rajoute même une expression qui a tout son sens. J'ai été battu, je ne me souviens pas d'une journée où je n'ai pas reçu une gifle. Stephen Bern nous livre aussi que malheureusement, il ne pouvait pas parler de son homosexualité qui importait très peu à sa mère. Vous voyez comme quoi la vie de vos animateurs préférés n'est pas toujours heureuse. Une matinale vient d'apparaître à la télévision. Oui, c'est ça, la matinale de RMC Sport avec Céline Géraud. Ça s'appelle Réveil Matin Céline. Donc on y retrouve Céline Géraud. Elle est accompagnée du journaliste Thomas Desson tous les lundis au vendredi de 6h à 9h. Cette matinale sera composée de plus de 150 journalistes de la rédaction répartis sur différents événements sportifs. Le programme de cette matinale, un peu comme un morning à la radio, avec bien évidemment toutes les demi-heures les informations principales du jour sportives. Les journalistes recevront également à leur table des invités et des experts et animera des débats autour des grands sujets d'actualité liés au sport. Et on peut aussi vous citer les rubriques, le nom sont plutôt bien choisis pour un matin, comme L'Entoaster, Priorité au petit-déj et enfin Network, qui retrace toute l'actualité avec notamment les plus belles boulettes, mais aussi les plus beaux gestes réalisés au foot. Et on peut aussi voir les plus belles pépites en omnisport. Et à présent, direction les États-Unis avec Donald Trump qui a partagé et diffusé plusieurs fois sur les chaînes NBC et Fox News un spot de campagne politique qui compare des migrants à un meurtrier. Ces chaînes ont finalement décidé de ne plus montrer cette publicité. Quant à Facebook, ils n'ont pas supprimé la vidéo mais a annoncé de ne pas lui permettre d'être sponsorisé. Ils ajoutent dans un communiqué de presse « Ce spot viole nos règles de publicité contre les contenus sensationnels dont nous le rejetons ». Alors, à vous tous qui nous écoutez, la propagation encore plus spectaculaire de cette vidéo raciste sur Twitter, elle a été vue plus de 6,5 millions de fois en 5 jours et compte 450 000 retweets. Un score très haut, même pour Donald Trump et ses 155 millions d'abonnés. Twitter n'a pas encore communiqué sur cette décision. Et voilà Romain, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des médias. Tout à fait. On attend vos réactions dès maintenant via la page Facebook Studek Web, avec sur la page Facebook Studek Web ou avec le hashtag Leur Média. On a quelques réactions avec le journal des audiences, avec le téléfilm d'hier soir sur TF1. Martine dit que c'était un très bon téléfilm et elle voudrait en avoir plus de téléfilms qui dénoncent ces violences à l'école. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve qu'on n'en entend pas assez, que ce soit dans les médias ou même à l'école. Dans moins de 3 minutes, on va découvrir un gadget avec vous. Eh bien, notamment le nouveau MacBook Air et un Mac Mini. Eh bien, restez bien avec nous, c'est juste après ça sur Studek Web. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Studek Web. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demanderons de nous accorder votre attention. Merci de vous installer paisiblement dans vos sièges et de monter le son de votre radio. Pour passer un agréable voyage en notre compagnie, nous vous recommandons de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, Studek Web. En cas de dépressurisation des ondes, merci d'attraper votre ordinateur qui se trouve sous votre siège et suivez-nous en vidéo sur le site www.studioecoledefrance.com. Studek Web, les infos. Les informations présentées par Alexandre Bratek. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. À Marseille, une troisième victime a été découverte sous les décombres. Le premier était celui d'un homme. Le deuxième était celui d'une femme retrouvée aux alentours de midi. La troisième victime a été découverte vers 15h. Les trois individus ne sont pour l'heure pas identifiés. Sur place, 80 pompiers et 120 policiers poursuivent les déblaiements. 5 à 8 victimes pourraient être ensevelies sous les gravats des deux bâtiments, affirme Christophe Castaner. 6 personnes soupçonnées de préparer une action violente contre Macron ont été arrêtées. 6 suspects liés à l'extrême droite ont été interpellés dans l'Isère, l'Ille-et-Vilaine et la Moselle. Cela a conduit à une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Motif, association de malfaiteurs terroristes criminels. Les individus sont âgés entre 20 et une soixantaine d'années. Une femme figure parmi les interpellés. Emmanuel Macron a annoncé l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix dès l'an prochain. Interrogé sur Europe 1, le chef de l'État a annoncé ce matin vouloir regarder comment améliorer le chèque énergie pour les ménages modestes. Également mis sur la table l'extension de l'ensemble de la France, de la défiscalisation, l'aide au transport mis en place pour les régions Hauts-de-France. Emmanuel Macron a reconnu que la progression des taxes, c'est l'État qui décide. La hausse des voies vient de trois quarts des cours mondiaux. Enfin, quant à la hausse des prix, l'essence et le diesel, le chef de l'État a dit, je cite, « Le carburant, c'est pas bibi ». Il a dit comprendre cette colère. Le gouvernement ne se trompe pas, il va dans la bonne direction. Il faut aider nos concitoyens les plus modestes. Fin de citation. Côté international, les Américains votent aujourd'hui pour désigner leurs représentants au Congrès. Ces élections ne représentent mi-terme, mi-mandat. Les premiers bureaux de vote ont ouvert sur la côte Est à 6h du matin, heure locale, midi à Paris. Une heure plus tard, ceux de la moitié des États-Unis accueillaient les électeurs. Les chaînes américaines montraient des longues files d'attente devant certains bureaux. En jeu, les 435 sièges de la Chambre des représentants, un tiers de ceux du Sénat, ainsi que les postes de gouverneurs dans une trentaine d'États, de la Floride à l'Alaska. Route du Rhum, le trimaran du skipper Armel Lecléache a chaviré vers midi au large des Açores. Le marin est sain et sauf et peut reprendre la course. Guingamp a annoncé qu'il n'y avait plus d'entraîneur. Antoine Combaoré a été démis de ses fonctions deux jours après la défaite à Nantes, 5-0. Le club est dernier avec 7 points en Ligue 1. Du côté de la météo, cet après-midi, dans la moitié nord du pays, le temps sera plutôt calme. Dans la moitié sud du pays, en revanche, il faut s'attendre à des perturbations pluvieuses. Les températures seront comprises entre 12 et 18 degrés. Comptez 13 à Brest, 16 à Marseille, 18 à Strasbourg et 16 à Nice. Merci Alexandre, retour des informations à 16h40 sur Sudacweb. Studec, l'infotrafic. L'infotrafic présenté par Antoine Ballet, bonjour. Rebonjour Romain, oui, et on peut se dire que ça commence à bouchonner un petit peu en Ile-de-France, 92 km de bouchons, les sorties de bureaux commencent, le trafic est fortement ralenti sur la 86 entre Créteil et Nogent, vous mettez 13 minutes à relier les deux villes. Côté incident, un véhicule léger est en panne justement sur la 86 intérieure à la sortie du tunnel de la Défense, vous mettez 11 minutes pour faire Nanterre-Gennevilliers. A noter un accident sur la Francilienne au niveau de Ponto Combo, 8 minutes entre Ponto et Logne. Du côté des transports en commun en Ile-de-France, le trafic est légèrement ralenti sur le RER C à cause d'une intervention des pompiers au niveau du pont du Garigliano. La ligne pontoise Versailles-Rive-Gauche-Versailles-Chantier est impactée. Et pour le Transilien, les horaires sont changeants sur la ligne P entre Esblier et Crécy-la-Chapelle jusqu'à mercredi prochain. Les trains sont avancés ou reculés, mais les horaires sont mis à jour très régulièrement sur l'application de Transilien. Merci Antoine, retour de l'Afrotrafic dans une petite demi-heure sur StudiaQueb. Et je vous lance maintenant pour vous inscrire pour jouer au jeu du C'est qui, c'est quoi. Pour remporter votre pack StudiaQueb, vous inscrivez dès maintenant sur la page Facebook StudiaQueb ou avec le hashtag StudiaQueb. Et pour la musique dès maintenant, c'est Amir en direct sur StudiaQueb. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. Toujours. dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été. On dirait bienvenue, c'est l'heure média jusqu'à 17h sur Studek Web. Mardi, high-tech. On rappelle que chaque semaine, vous retrouvez ici votre instant culture. Le lundi, c'est un portrait de vos animateurs préférés. Le mercredi, votre actu ciné. Le jeudi, les sorties musique. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on parle high-tech avec Adrien. Et cette semaine, c'est marqué par la sortie Apple. Avec trois nouveaux produits, le nouveau MacBook Air et un Mac Mini, ainsi que l'iPad Pro. L'événement était attendu de pied ferme par les journalistes et les geeks du monde entier. Apple avait donné rendez-vous avant-hier à New York, enfin en milieu d'après-midi, en heure française, pour annoncer ses prochaines sorties. La marque à la pomme a dévoilé un MacBook Air avec un écran Retina en 4K avec 48% de couleurs en plus, un nouveau design avec des bords réduits, un clavier papillon de troisième génération, Touch ID ainsi que la puce maison Apple II. Cette dernière s'occupe de la partie sécurité et on se voit aussi confier des missions liées aux performances. Le nouveau MacBook Air est déjà disponible à partir de 1349 € dans sa version de base et déjà disponible en précommande avec une livraison à partir de demain, le 7 novembre. Le Mac Mini fait reparler de lui car le constructeur a décidé de lui offrir sa mise à jour la plus importante depuis 2013. Un grand oublié des keynote, le Mac Mini conserve son design et offre une nouvelle couleur. Apple présente le nouveau Mac Mini comme 5 fois plus performant que ses prédécesseurs, même si la comparaison n'est pas vraiment pertinente car Tim compare un ordinateur de 2013 à celui de 2018. Quant à l'iPad Pro, la modification du design la rapproche de ses derniers iPhones. Ce nouvel iPad cède à la tentation de l'écran bord à bord et abandonne son bouton d'accueil ainsi que Touch ID avec l'occasion de confirmer le Face ID, la technologie de reconnaissance faciale d'Apple inaugurée avec l'iPhone X. Et en dernière grosse actu technologie, c'est l'arrivée du nouveau processeur AMD. C'est demain, c'est aujourd'hui le 6 novembre, qu'AMD devrait dévoiler ses nouveaux processeurs sous architecture Zen 2 qui avant était donc Ryzen. AMD mise énormément sur ses processeurs en particulier puisque la marque profite des circonstances exceptionnelles puisque le fondeur est le premier sur le marché à proposer des CPU gravés en 7 nanomètres alors que Intel, son principal concurrent, n'a même pas de puce en 10 nanomètres. Donc si je comprends bien, AMD c'est une grosse longueur d'avance par rapport à Intel. C'est comme souvent d'ailleurs. Voilà, j'attends maintenant vos réactions dès maintenant sur la page de Facebook Studek Web ou avec le hashtag Studek Web pour avoir votre avis sur les produits Apple avec les prix qui sont parfois assez importantes, n'est-ce pas Adrien? Oui, ce sont des prix assez importants, effectivement, plus que mon salaire en tout cas. Voilà. Dans quelques minutes, vous allez jouer avec nous, avec Studek Web, pour remporter votre pack Studek Web avec le C'est qui c'est quoi. Qu'est-ce que le C'est qui c'est quoi? Eh ben, c'est très simple, c'est une voix qui a été trafiquée. On va devoir trouver. Voilà, vous allez devoir retrouver. Les deux animateurs vous représentent et peut-être vous remporter, le pack Studek Web. On a un mug. Un mug à gagner. Des stickers. Un mug Studek Web. C'est la classe, quoi. Photo dédicacée de l'équipe. Ça vaut le coup? Je vous le dis, surtout avec Adrien. Allez, à tout de suite sur Studek Web. Et dans moins de 3 minutes, vous retrouvez le drive sur Studek Web avec Rémi, Dove et Romain. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Daniel Balavoine, son parcours et des anecdotes. Ça va se passer dans le Vinyl Story. Et puis des idées de sortie près de chez vous, des bons plans sont au programme. Et également des cadeaux avec le jeu de la marche arrière. Vous pourrez tenter de remporter votre pack Studek Web. Et puis tous les classiques de la musique de Studek Web. Alors rendez-vous tout à l'heure à 17h sur Studek Web, 100% nouveaux talents. Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission? Le C'est qui c'est quoi sur Studek Web. Et c'est le moment de jouer sur Studek Web. Vous êtes inscrit tout au long de l'émission pour remporter votre pack Studek Web. Et aujourd'hui, c'est Julie de Remiremont et Mehdi de Fontainebleau qui ont été tirés au sort pour jouer au C'est qui c'est quoi. Alors, le C'est qui c'est quoi, c'est très simple. C'est une voix trafiquée. Les deux animateurs ont deux minutes pour trouver ce qui se cache derrière cette voix. Des indices pour vous aider. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait. Ça va faire quasiment 20 ans que j'anime des matinales à la radio, plutôt avec succès, et qu'il n'y a jamais eu de débordement. Alors Adrien, vous allez représenter Julie. Oh, très bien, ben je représente Julie alors. Et Robin, Mehdi. Mehdi, d'accord. Voilà. Deux minutes pour trouver alors, cette voix d'animateur. Donc c'est un animateur radio, est-ce que c'est un animateur de radio musicale? Oui. Est-ce que c'est un animateur matinal? Oui. Il fait du flux. Est-ce que c'est Bruno Guillon? Oui. Voilà. Et ben bravo à Adrien qui a fait gagner Julie qui remporte son pack Studek Web. Là, je pense que c'était facile. Alors par contre, je vous le dis, hein, mais à chaque fois, ne misez pas sur moi. Parce que là, pour l'instant, lundi, mardi, je gagne. Mais à mon avis, mercredi, je crois que... Bon, on va quand même écouter la réponse pour voir qui se cachait. Donc, c'était Bruno Guillon. Ça va faire quasiment 20 ans que j'anime des matinales à la radio, plutôt avec succès, et qu'il n'y a jamais eu de débordement. Donc. Et ben bravo à Julie qui remporte son pack Studek Web. Il y a quoi dans le pack Studek Web? Alors, dans le pack Studek Web, il y a énormément de choses, comme par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, un mug à l'effigie de Studek Web avec plein de petits goodies, des stylos, des flyers, enfin plein de petites choses à gagner. Et ça, c'est grâce à Studek Web. Vous aussi, vous avez envie de gagner votre pack Studek Web? Et ben, vous inscrivez dès maintenant sur la page Studek Web pour tenter de vos chances demain pour gagner votre pack Studek Web avec le C'est qui c'est quoi. Je peux même vous donner un petit indice. Demain, on recherche un présentateur de jeux télé. Voici Patrick Fiori. Vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, l'asmala? Mettez-vous par là. Thierry, t'allez, toi, malien, vous serez voisins. Un jour, on s'est posé là. Vous, toi, la poisse, c'était toi. Pas de charabia. C'est provisoire, on verra. 30 ans qu'on est là. L'école en bas, le tabac. Deux boutiques ici. Et c'est là qu'on a grandi. On avait traversé les mers. On avait tout laissé. Solidaire, c'est dit. jury de The Voice Kids, Patrick Fiori sur Studek Web. Une année, un média. Aujourd'hui dans l'heure média, on s'intéresse à une émission culte du dimanche soir sur TF1 qui a fait beaucoup parler avec leurs interviews de Muriel Boll dimanche soir. Je me suis intéressé à l'émission d'information 7 à 8, date de la première émission le 10 septembre 2000. Cette émission a été créée par deux journalistes, Laurence Ferrari et Thomas Hugues. Alors l'émission a connu plusieurs horaires de diffusion. À ses débuts, jusqu'en 2011, c'était diffusé de 18h50 à 19h50 tous les dimanches. De 2011 à 2015, l'émission gagne une heure de diffusion en plus. Et depuis le 17 mai 2015, l'émission est divisée en deux parties, avec 7 à 8 live suivi de 7 à 8 tout court. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre ces deux magazines? Eh ben, 7 à 8 Live se différencie avec sa grande sœur par une ligne éditoriale axée sur la proximité avec les téléspectateurs. Les reportages couvrent l'actualité à l'échelle nationale. Immersion et rencontre avec les Français et Françaises du quotidien en sont les principales rubriques. Cette émission est suivie de 7 à 8 qui, elle, au contraire, traite l'actualité chaude comme la politique et les faits divers, les événements internationaux. Enfin, l'émission se termine toujours par la rubrique « Le portrait de la semaine » correspondant à l'interview d'une personnalité ou d'un inconnu sur un événement majeur le concernant. En 18 ans d'existence, on a vu plusieurs présentateurs à la présentation. Oui, alors il y a ces plusieurs journalistes. Alors c'est Thomas Hugues et Laurence Ferrari qui ont pris les rênes de 2000 jusqu'en 2005. En 2006, c'est au tour de Anne-Sophie Lapix en collaboration avec Harry Ozzy et le Mac de présenter l'émission. Et depuis 2009, Harry reste seul à la présentation. Et est-ce que 7 à 8 arrive à faire de bonnes audiences? La réponse est oui, car à 18h20, Harry Roselmack est seul leader avec 4,5 millions de téléspectateurs, notamment face à ses rivaux de France 2 et des enfants de la télé de Laurent Ruquier, qui ont, eux, la moitié du résultat, soit 2,1 millions que TF1. On en sait davantage sur l'émission 7 à 8, on la retrouve tous les dimanches sur TF1 avec Henri Roselmack. Oui, c'est ça. Tiens, dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de cette émission qui existe depuis 18 ans. C'est beaucoup. Oui, c'est une émission qui dure surtout. On a aussi quelques commentaires qui sont apparus suite à ta chronique. Robin, je fais que je vous confonds. Avec Apple qui dit, avec Martin qui dit Apple, c'est un peu cher, mais ils font de très bons produits. Oui, c'est vrai. Par contre, il y a quelqu'un qui est Corentin qui me dit AMD, les processeurs AMD, c'est pas les meilleurs par rapport à Intel. Ça dépend en fait, c'est juste en fonction de ce qu'on a envie de faire avec son ordinateur. Voilà. Vos réactions, c'est sur la page Facebook Studek Web. Et puis dans quelques minutes, on va vous dire quoi regarder à la télé, notamment avec le programme. Et bien avec le programme justement. Indépendance Day. Indépendance Day, voilà le film qui culte. Voilà. Et puis on ira répondre à vos questions. Dans la rue, on est venu vous voir, on répond à vos questions, toutes vos questions, tous les jours on se déplace dans la rue pour répondre à vos questions. Et puis aussi la musique de Studek Web avec dans quelques minutes Clean Bandit se prépare et également un classique, un gold qu'on aime tous, Johnny Hallyday avec forcément. Allumer le feu. Je vous dis à tout de suite sur Studek Web. Studek Web, les infos. Les informations avec Constance Vercamer. Bonjour à tous, on prend la route du Rhum, le bateau du français Armel Lecléache chavire au large des Açores. Le skipper est sain et sauf, précise les membres de son équipe. Cet incident serait dû à la rupture de son flotteur de bâbord, déclenchant ainsi sa balise de détresse. Son trimaran avait déjà connu certains problèmes techniques quelques heures après son départ de Saint-Malo. Il était l'un des favoris de cette édition 2018 et il s'agit du troisième abandon depuis le début de la compétition. Hier, Sébastien Joss et Thomas Coville ont été contraints à l'abandon. Trois morts, c'est le bilan provisoire actuel de victimes retrouvées sous les décombres à Marseille. Le chiffre grimpe et la découverte de cette personne vient s'ajouter à celle d'un homme et d'une femme retrouvées respectivement ce matin et ce midi. D'après le procureur, il pourrait y avoir potentiellement encore 5 à 8 personnes encore bloquées sous les gravats de ces immeubles effondrés dans le centre de la cité phocéenne. Les 120 policiers et les 80 marins-pompiers continuent activement leurs recherches. 6 personnes liées à la mouvance de l'ultra-droite ont été arrêtés aujourd'hui pour un projet d'action violente à l'encontre d'Emmanuel Macron. 5 hommes et une femme âgés entre 22 et 60 ans ont été placés en garde à vue. Ces interpellations ont été conduites dans les départements de l'Isère, de la Moselle et de l'Ille-et-Vilaine. Elles interviennent au même moment que le déplacement du président français pour la commémoration du 11 novembre. Pour l'instant, la réalité et la nature exacte de cette menace n'a pas été précisée par les proches de l'enquête. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin au micro d'Europe 1. Le chef de l'État va aider tous les travailleurs qui doivent se déplacer à plus de 30 km de leur domicile. Il compte notamment baser son soutien financier sous forme d'indemnisation kilométrique avec des chèques carburant, une initiative déjà exploitée par la région Hauts-de-France. Il a évoqué de nombreux sujets comme la montée du nationalisme, l'affaire Benalla, la violence à l'école ou encore l'Europe. Le président français assure que le gouvernement allait améliorer le chèque énergie pour les ménages modestes. Il affirme que des décisions seront prises dans les semaines à venir. À l'international, la côte est des États-Unis a été la première à ouvrir les bureaux de vote pour les élections de mi-mandat appelées les midterms. À cette heure-ci, la Floride est l'État le plus scruté et cette année, la participation devrait être historique. 35 millions d'électeurs ont déjà participé grâce à la possibilité de vote anticipé. Cela représente 20% de plus qu'en 2014. Les premiers résultats dits fiables devraient tomber durant la nuit en France. Si les républicains venaient à perdre le contrôle du Congrès, les démocrates pourraient lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. Coup d'œil sur le ciel, la grisaille s'installe sur l'ensemble de la France cet après-midi. Seules les régions de l'Alsace-Lorraine échappent à cette couverture nuageuse. De la pluie est attendue sur l'ensemble de la côte ouest. La France profite d'un épisode climatique méditerranéen avec des températures assez douces. 15 à Nancy, 17 à Paris, 18 à Lille et Perpignan. Les maximales sont attendues en Corse avec 21 degrés. Tout de suite, on retrouve Romain Frappereau dans l'heure média. Merci, retour des informations à 17h sur Sudek Web. Studec, l'infotrafic. Niveau circulation, ça commence à s'intensifier, pardon. Vous pouvez le dire, Romain, 115 km de bouchons actuellement en Ile-de-France. Alors le trafic est relativement fluide tout de même sur le périphérique parisien, mis à part un léger ralentissement dans les deux sens au niveau de la porte Maillot. La francilienne, par contre, est complètement saturée en direction de Paris. Vous comptez près d'une heure pour relier Brie-Comte-Robert et Ponto-Combo. La circulation est également ralentie sur la 86 intérieure par un véhicule en panne à la sortie du tunnel de la Défense. Vous mettez 15 minutes pour rallier Gennevilliers. Dans les transports en commun, la ligne P du Transilien est toujours affectée par des changements d'horaire et jusqu'à mercredi prochain. Pour toute information, les horaires sont à jour sur l'application Transilien. Et du côté RATP, c'est assez rare pour être souligné, aucun incident n'est à signaler. Vous pouvez rentrer chez vous en toute sérénité. Retour de l'infotrafic dans une demi-heure sur Studec Web. Calling, but I really wanna know. Blondine sur Studek Web, pardon. Este domingo solo por Univision. Ah là là, il y a vraiment rien à la télé, c'est chiant. Ah mais attends, il y a Zap TV sur Studek Web. Vous avez loupé des moments cultes à la télé, il est là pour vous faire le replay. Et on commence avec votre premier extrait. Et avec donc Dupond-Moretti qui s'indignait de la violence sur les réseaux sociaux dans Quotidien sur TMC. Vous avez été ébranlé, c'est à cause des réseaux sociaux. Ouais, j'ai découvert les réseaux sociaux au décours de l'affaire Mérin, ouais. J'ai découvert leur violence. Et en quoi vous avez été ébranlé suite à l'affaire Mérin sur les réseaux sociaux? Ben parce que les conneries qui se racontaient autrefois au Café du Commerce, elles tombaient au sol, elles étaient balayées. Là, elles sont emballées, diffusées, parfois mondialement diffusées. Dans l'émission de Daphné Burki, Je t'aime, etc., on a pu découvrir une info grâce à des slips en coton. C'est la chambre agricole du Var qui a enterré des slips dans les sols d'une trentaine d'exploitations agricoles du département. Quand on les déterre, certains slips sont très troués, d'autres moins. Alors ça paraît saugrenu, mais la réaction en effet, Janane, du coton bio, du slip justement, ça permettrait de mieux comprendre l'impact des différents traitements sur l'activité biologique des sols. Ouais, c'est ouais. Donc une vraie info. Avant de participer aux amours, le copain d'une candidate n'avait pas participé au casting. Écoutez pourquoi. Alors moi, ça s'est passé hier soir. On a fait un petit dîner en amoureux au restaurant. Et en fait, donc je l'ai motivé pour faire le casting des amours. Donc il m'a suivi. Et puis je connaissais pas mal d'infos sur ce qui se passait au casting. Mmh. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, c'est une copine qui m'a raconté comment ça se passe, etc. Mmh. Et hier soir, je lui ai avoué qu'en fait, j'avais fait le casting avec mon ex. Une candidate. Donc, il l'a dit, oh, ça va. Et du coup, il l'a super mal pris. D'accord. Voilà. Une candidate aux anges dans l'amour et dans le prix sur M6, elle est heureuse. Hein. Donc hier soir, on a parlé longtemps, finalement c'est venu tout seul et on s'est embrassés tous les deux. Et il y a deux coussins sur mon lit, donc on s'est par inadvertance endormis ensemble. Pour l'instant en fait, tout va tellement bien que je crois que c'est ça qui me fait peur. Ça serait Aymeric par hasard, non? C'est ça? Peut-être, oui. Tu veux dire pour la candidate? Oui, là, c'était la prétendante d'Emery qui était un breton. Voilà. Dans quelques minutes, j'ai envie de vous dire, vous ne savez pas quoi regarder, vous qui êtes dans votre voiture, vous ne savez pas quoi regarder à la télé. Eh bien, je vais vous le dire. Car Adrien, il vous a déniché le meilleur programme à regarder ce soir à la télé. Vous restez bien avec nous, c'est juste après ça sur Studek Web. D'après les statistiques, 99,9% des Français ont un coup de mou après 14h. Nous, on compte bien faire bouger les stats. De 14h à 15h sur Studek Web, c'est votre deuxième réveil de la journée. Retrouvez entre deux vanules de Robin, Azem et Jérémy des infos vraies ou fausses, mais quand même bien utiles. Un débat quotidien avec un quatrième animateur, ça peut être vous. Ou si vous n'êtes pas trop débat, vous pouvez toujours tenter de gagner un pack Studek Web et une photo dédicacée en venant jouer au booster. Le coup de boost, c'est de 14h à 15h sur Studek Web. Vous nous rejoignez à l'instant, c'est Studek Web que vous écoutez et l'heure média, il y en a encore, on est encore là pendant une petite dizaine de minutes. Et dès maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on va regarder ce soir, pardon. Eh bien, ce soir, il y a l'Independence Day à 21h sur France 3. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Enfin, en tout cas, c'est ce que comprennent les autorités américaines lorsqu'un vaisseau extraterrestre se stabilise dans l'espace non loin de la Terre. Quelques heures plus tard, des plus petites soucoupes se détache du flanc du vaisseau mère pour voler au-dessus des grandes villes du globe, dont New York, Los Angeles et Washington, où la panique est à son comble. La Maison Blanche s'interroge donc sur les intentions des mystérieux visiteurs. C'est le matin. Vous vous réveillez. Vous embrassez votre petite famille. Vous ramassez le journal du matin. Et bien que cela vous paraisse un jour ordinaire, ça ne l'est pas pour une raison extraordinaire. La question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» vient de trouver une réponse. Un film culte bombardé d'effets spéciaux et pyrotechniques, d'images de synthèse, de stéréotypes et surtout de patriotisme qui connut à sa sortie un succès à la hauteur de ses ambitions. Minute par minute, on revient sur les attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. La série d'attaques quasi simultanées perpétrées entre le Stade de France, les terrasses de brasserie et la salle de concert du Bataclan a fait 130 victimes. Ces attentats ont été les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce documentaire retrace cette soirée sordide sur plusieurs points de vue, ceux des témoins et des victimes, celles des policiers sur place et des politiques au cœur de la crise. C'est une... On a choisi, nous, de raconter dans Minute par Minute des histoires avec un grand H. Donc des choses qui ont compté dans la conscience collective française notamment. On a commencé avec l'affaire DSK. Oui. Ensuite, il y a eu France 98. Ouais. C'est frais. c'est sûr, donc peut-être plus sensible que d'autres faits historiques, que d'autres drames historiques. Ça avait tout son sens de faire un documentaire spécial sur ces événements atroces, ouais. W9. Et pour terminer, un documentaire sur les États-Unis, les pays qui arment ses enfants. Découvrez un documentaire saisissant sur la culture américaine où 310 millions d'armes circulent entre les mains des citoyens, soit presque une arme par personne, enfants inclus. Depuis plusieurs années déjà, les enfants sont de plus en plus nombreux à en posséder une, les recevant notamment pour Noël ou leur anniversaire. Une situation inquiétante, notamment à cause de la multiplication des tueries sur les campus universitaires ou dans les écoles. C'est ce soir, 20h30, sur LCP. Vous êtes les acteurs de l'heure média. On répond à vos interrogations. On est venu vous voir ce matin dans la rue, on ne vous a pas posé des questions, mais c'est vous qui pouvez poser vos questions sur les médias. Et on commence avec Daniel. Oui, effectivement, on a une question de Daniel, 34 ans, habitant Paris. Bonjour l'équipe. Pourquoi W9 rediffuse environ un mois après les films qui sont passés sur M6 ? La raison est simple, W9 est la petite sœur du groupe M6, elle fait partie du groupe. Ainsi, la chaîne propose des films que n'auraient pas vu les téléspectateurs sur M6 sur W9. Une offre qui permet aux téléspectateurs une séance de rattrapage. On a Marilyn, 44 ans, de Briançon. Bonjour l'équipe, pourquoi l'émission Stade 2 peut diffuser les buts sans payer et pas TF1 ? Pour le comprendre, il faut se plonger dans le code du sport qui réglemente les droits d'exploitation et de diffusion de ces images, ne peut s'opposer à la diffusion de brefs extraits prélevés à titre gratuit. N'importe quelle chaîne peut diffuser des extraits gratuitement au nom du droit à l'information à deux conditions, que ces images soient diffusées au cours des émissions d'information et que leur provenance soit mentionnée. Enfin, une dernière question de Thomas. Oui, notre fidèle auditeur habitant Perpignan. Bonjour l'équipe, j'aurais voulu savoir pourquoi Nikos Aliagas a quitté la présentation de C'est quand t'es loup sur TF1. Tout simplement parce que, on peut le comprendre, mais Nikos avait beaucoup de projets en cours, comme en grande partie présenter la matinale d'Europe 1. De plus, il anime déjà deux émissions sur la chaîne, comme The Voice Kids et 50 Minutes Inside. Il a préféré laisser la présentation à Alessandra Sublet, qui tient le bon bout. Le retour des micro-trottoirs, c'est demain sur Studio Web. Et maintenant, on accueille l'équipe du GPS. Bonjour Rémi. Bonjour Romain. Alors au programme de cette émission, Le GPS que vous retrouvez dès 17h, notre mission c'est de vous ramener à la maison avec de la musique, de l'info. Et puis à tout moment on fait la route ensemble. Vous nous revenez dès 16h demain en pleine forme, c'est ça ? C'est exact, avec au programme toujours pareil, vos audiences télé, le journal des médias, des cadeaux à gagner avec Et puis l'actu ciné aussi. L'actu ciné, oui. Oui, l'actu ciné. Oui. Pour ceux qui sont cinéphiles et qui aiment le cinéma, on va avoir beaucoup de surprises. Voilà. C'est noté, on ne loupera ça sous aucun prétexte. Et puis aussi des cadeaux à gagner. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour jouer au C'est qui, c'est quoi de demain. Nous aussi, on va jouer. Alors, vous jouez avec arrière. Vous avez quoi comme cadeau à gagner ? Au cadeau, les visites. La visite de nos studios et également le pack Studec. Le pack Studec Web. Et nous, dès maintenant, on met le feu avec un titre, un classique sur Studec Web. Avec Allumer le feu de Johnny Hallyday. Je vous dis à demain avec Adrien et Robin sur Studio Club. Guitar. jusqu'au dernier moment. Johnny Hallyday, allumez le feu sur Studek Web. D'avant, demain, on se retrouve dès demain avec l'heure média dès 16h. Effectivement, mais t'as oublié de préciser qu'il y a un documentaire qui est sorti sur Johnny Hallyday. Un très bon documentaire qui a très bien marché. Puis Johnny Hallyday, avec son dernier album, a très bien marché. Il était disque d'or en même pas une journée. Ouais, bah ça, c'est en même temps, c'est un petit peu normal pour se remémorer un petit peu. Avant de retrouver l'équipe de GPS, j'ai envie de vous dire qu'il y aura George Ezra qui se prépare, il y aura Daniel Balavoine pour les classiques. Et puis nous, on se dit à demain sur Studek Web.